et de ces soirées où se poussent les gens pour voir passer le chien sur ses pattes devant, qui pourrait rester seule si elle n'existait pas. Il faut bien qu'il l'impressionne une première fois. Sur la pointe des pieds, une fille le regarde. Un couple s'enlaçant au troisième rang, le nargue. Il sent ses regards inconnus et qui le juge. A-t-elle daigné venir? Si oui, c'est le déluge. Dites-moi quel matin je dois passer vous voir. S'il est possible encore de vous apercevoir, ses pattes lui font mal, mais il lève la tête. Voir si parmi tous ces regards de guette, celui de cette dame qu'il a croisée un soir et qu'il a invité aujourd'hui à s'asseoir dans cette salle où la force lui manque alors, quand il sent que l'absence décide de son sort.